Alors, de jour en jour, le troublant désir d'aimer l'envahit davantage. Elle se consultait sans cesse, consultait aussi les marguerites, les nuages, des pièces de monnaie jetées en l'air. Or, un soir, son père lui dit: Fais-toi belle demain matin. Elle demanda: Pourquoi, papa? Il reprit: C'est un secret. Et quand elle descendit le lendemain, toute fraîche, dans une toilette claire, elle trouva la table du salon couverte de boîtes de bonbons, et, sur une chaise, un énorme bouquet. Une voiture entra dans la cour. On lisait dessus: Le rat, Patricia Fécamp, repas de noces. Et Ludivine, aidée d'un marmiton, tirait d'une trappe ouvrant derrière la carriole beaucoup de grands paniers plats qui sentaient bon. Le vicomte de Lamarre parut. Son pantalon était tendu et retenu sous de mignonnes bottes vernies qui faisaient voir la petitesse de son pied. Sa longue redingote serrée à la taille laissait sortir par l'échancrure, sur la poitrine, la dentelle de son jabot. Et une cravate fine, à plusieurs tours, le forçait à porter haut sa belle tête brune, empreinte d'une distinction grave. Il avait un autre air que de coutume, cet aspect particulier que la toilette donne subitement au visage le mieux connu. Jeanne, stupéfaite, le regardait comme si elle n'avait encore point vu. Elle le trouvait souverainement gentilhomme, grand seigneur, de la tête aux pieds. Il s'inclina en souriant. « Eh bien, ma commère, êtes-vous prête ?» Elle balbutia. « Mais quoi? Qu'y a-t-il donc ?»« Tu le sauras tout à l'heure, » dit le baron. La calèche attelée s'avança. Madame Adélaïde descendit de sa chambre en grand apparat, au bras de Rosalie, qui parut tellement émue par l'élégance de monsieur de Lamarre que petit père murmura: « Dites donc, vicomte, je crois que notre bonne vous trouve à son goût. » Il rougit jusqu'aux oreilles, fit semblant de n'avoir pas entendu et, s'emparant du gros bouquet, le présenta à Jeanne. Elle le prit, plus étonnée encore. Tous les quatre montèrent en voiture, et la cuisinière Ludivine, qui apportait à la baronne un bouillon froid pour la soutenir, déclara: « Vrai, madame, on dirait une noce. » On mit pied à terre en entrant dans Yport, et, à mesure qu'on avançait à travers le village, les matelots, dans leur harde neuve, dont les plis se voyaient, sortaient de leur maison, saluaient, serraient la main du baron et se mettaient à suivre comme derrière une procession. Le vicomte avait offert son bras à Jeanne et marchait en tête avec elle. Lorsqu'on arriva devant l'église, on s'arrêta, et la grande croix d'argent parut, tenue droite par un enfant de cœur, précédant un autre gamin rouge et blanc qui portait l'urne d'eau bénite où trempait le goupillon. Puis passèrent trois vieux chantres dont l'un boitait, puis le serpent, puis le curé, soulevant de son ventre pointu l'étole dorée croisée dessus. Il dit bonjour d'un sourire et d'un signe de tête, puis, les yeux mi-clos, les lèvres remuées d'une prière, la barrette enfoncée jusqu'au nez, il suivit son état-major en surplis en se dirigeant vers la mer. Sur la plage, une foule attendait autour d'une barque neuve enguirlandée. Son mât, sa voile, ses cordages étaient couverts de longs rubans qui voltigeaient dans la brise, et son nom, Jeanne, apparaissait en lettres d'or à l'arrière.